Vous avez survécu à la pause publicitaire, tout le monde, bravo, félicitations, et pour ça, vous vous méritez une deuxième heure de Plectrum, la grande traversée du jeudi, en ma compagnie André Péloquin, et on va débuter ça dès maintenant. On va avoir entre autres du Scissors for Lefty, on va aussi avoir du Klaxons remixé par Crystal Castles. Crystal Castles, groupe de Toronto qui allie musique 8-bit à de la violence sur scène, eh bien, ils seront de passage à Pop Montréal, je vous en reparle après le bloc musical. On va aussi avoir du Kania Tiefer, mais on va débuter dès maintenant avec un groupe qui fait beaucoup de bruit ces jours-ci. Ils viennent de lancer leur nouvel album Sangue Puro, je parle bien sûr des Georges Leningrad, et on va écouter la pièce Skulls in the Closet. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, j'ai un courriel, c'est le plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un blog où je note toutes les pièces qui ont été jouées, c'est le plectrumcism.blogspot.com, et on débute dès maintenant avec les Georges Leningrad. Come on, come on, come on, come on. C'est toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se déroule sur les ondes de CISM 89.3 FM, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. C'est André Péloquin qui vous parle, bien sûr, et on vient de terminer ce bloc musical, le premier d'une autre heure fantastique de musique anglophone. C'était la formation Scissors for Lefty qui a terminé tout ça. C'était la pièce Ghetto Ways. Un peu avant, on avait les Klaxons. C'était la pièce Atlantis to Enter Zone, remixée par Crystal Castles, duo de Toronto. Si vous avez aimé ce qu'ils ont fait de cette pièce, eh bien, ils seront en concert dans le cadre de Pop Montréal le 7 octobre au Zoo Bizarre en compagnie de Duchesses et Stop Die Resuscitate. Un peu avant, on avait Kania Tiefer avec la pièce Get Flunky et on a débuté avec les Georges Leningrad. C'était la pièce Skulls in the Closet. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs plus hip-hop. On va avoir entre autres du Mike de 2006 King qui lui cette fois-ci s'attaque à une pièce hip-hop remixée avec un instrumental du fameux jeu Contra sur le Nintendo Entertainment System là. Le bon vieux gris là, pour les fans de la vieille école. Vous rappelez que c'est le jeu avec le code des 30 vies. En haut, en bas, gauche, droite, BA, start. Et un peu avant, on va avoir un duo de Think About Life et Subtitle. Deux entités hip-hop qui seront de la partie de Pop Montréal, eux aussi. Je vous en reparle tantôt. On va aussi avoir du Bus Driver, mais on va débuter dès maintenant avec une valeur sûre. Basement Jacks en compagnie de Dizzy Rascal. Je parle bien sûr de Lucky Star. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, mon courriel, c'est le plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un podcast, c'est au podmodernisme.blogspot.com et le site web de la radio, c'est le cism893.ca. Allons-y dès maintenant avec Dizzy Rascal! Ouais! Oh! Ouais! Allons-y! Adios mi Guadalajara. Ok, je vais appuyer sur play. And vigorously, society became so hideously. Yo, quick to move, nothing that helps us. We were up so ridiculously. Guilty portrayed so innocently. Us natives act immigrantly. Grew up parallel to poverty. Little chested crammed for a while. I was born in the court of the prophetess. I wanna stand just for money on trial. Robbery sure did affect me. Kept me in the sight of the old bill. So I stayed music to escape. To the front gate, to the house on the hill. Stop. little long day. Straight right up here with space obey. I was left in a little long stay. I would just like to say I feel great. So don't make me laugh. What you lie about having no money for a trip? Take school for off with a gym. What you lie about waiting in trouble for a bar? Come and not be rude. What you lie about radio 1, 2, 3? Biggest bangers in the neighbor scene. What you lie about hustling for a school meal? Like Wild Merman.

Ok, oui, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Je m'appelle André Péloquin et c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. On vient de terminer avec Mike de 2600 King. C'était la pièce Contrabang. Un peu avant, on avait un duo qui sera en concert à Pop Montréal, mais pas en même temps. Je parle bien sûr de Think About Life et Subtitle. C'était la pièce What the Future Might Be. Think About Life seront en concert samedi le 7 octobre à la Sala Rossa en compagnie des Lesbians on Ecstasy, tandis que Subtitle, lui, sera en concert le vendredi 6 octobre à l'Academy Club en compagnie de Flastradamus, Kid Sister, Giselle Number One. Tout un trio. On avait aussi du Bus Driver un peu avant avec la pièce Kill Your Employer et on a débuté avec Basement Jacks en compagnie de Dizzy Rascal. C'était la pièce Lucky Star. On va poursuivre dès maintenant avec Je me fais plaisir avec un petit peu de pop psychédélique. On va avoir entre autres du We Will Build. On va aussi avoir du Patrick Watson, bien sûr, la nouvelle coqueluche montréalaise. On va aussi avoir une reprise de Nirvana par le fantastique ensemble de Polyphonic Spree. Et on va débuter avec un tube du genre, c'est Animal Collective et la pièce Grass. Si vous voulez avoir plus de détails sur la programmation musicale, je vous invite à consulter mon site web. C'est le plectrumcism.blogspot.com. Pour me rejoindre, c'est par courriel au plectrumcism@hotmail.com. Allons-y dès maintenant avec le Animal Collective! Yeah. so lonely. That's okay, I shaved my head, and I'm not sad. And just maybe I'm to blame for all I've heard, but I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, but I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is here. Don't be fooled. start at the very edge of love, where talk is like walking on broken glass. No need to fret, I'm in the same as you. One of these days I'm gonna be my match maker too. Why don't I'm not so into love. Salut tout le monde, c'est toujours André Péloquin qui vous embête au micro. C'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se poursuit et qui se termine, car oui, c'est ma dernière intervention au micro de cette semaine, mais... Non, parlons pas tout de suite. On y reviendra plus tard. On vient de terminer avec We Will Build, c'était la pièce Grease, Finally. Un peu avant, c'était Patrick Watson avec la pièce Giver. Un peu avant, reprise de Nirvana, c'était Lithium par The Polyphonic Spree. Et on a débuté avec Animal Collective et la pièce Grass. Avant de laisser le micro à l'équipe du palmarès du jeudi, on va y aller avec des pièces folk. Et pour continuer dans la thématique des reprises, c'est des reprises à la sauce folk. On va avoir entre autres du Handsome Hank and His Lonesome Boys, une reprise des Buggles, Video Killed Radio Star. On va aussi avoir la formation française La Maison Tellier qui eux vont nous reprendre du Rage Against the Machine. Oui, du Rage Against the Machine en sauce folk. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des demandes spéciales, des plaintes, plectrumcism@hotmail.com. Mon site web, c'est plectrumcism.blogspot.com. J'ai aussi un podcast, podmodernisme.blogspot.com. Et finalement, le site web de la station de radio, cism893.ca. C'était André Péloquin, c'était Plectrum. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et bon festival Pop Montréal. Salut tout le monde! I heard you one while was back in 52. Lying awake in bed and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony. Written by machine and new technology. And now I understand the problems you can see. Delay-o, I met your children. Delay-o, what did you tell them? Video killed the radio star. Video killed the radio star. Pictures came and broke. Playback and it seems so long ago. And you remember the jingles used to go. Delay-o, you were the first one. Delay-o, you were the last one. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. You're killing in the name of. Killing in the name of. Those who die are justified by wearing the badge of the chosen white. Justify those who die by wearing the badge of the chosen white. The same that burn crosses. Some of those among horses are the same that burn crosses. Oh. Killing in the name of. They're killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Those who die by wearing the badge of the chosen whites. Those who die are justified by wearing the badge of the chosen whites. Justify those who die by wearing the badge of the chosen whites. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry.